Le tout nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir les réputés produits Mastercraft. Ingénieux, solides, efficaces, toujours offerts à d'excellents prix. Allez voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac, distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 88-276-2385. Toute notre équipe est fière de commanditer la chronique de l'Association de soccer de Dolbeau-Mistassini et souhaite la meilleure des chances à toutes les équipes. On va parler de soccer de l'Association de soccer de Dolbeau-Mistassini avec notre ami Justine Girard. Salut Justine! Salut! Justine, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine avec nos différents clubs? Il y a eu 5 cette semaine. Dans le fond, le U10-2, ils ont eu leur première défaite contre Robertval. Ça s'est fini 8-6 pour Robertval. Okay. Après ça, le U10-3, ils ont gagné, là, ils n'ont pas encore de défaite de l'année, ils ont gagné 8-7 contre Robertval. Okay. Après ça, le U12 a joué dimanche. Ils ont gagné 7-0 contre Saint-Fritier. Okay. Après ça, le U16 féminin ont eu le deuxième défaite de début de la saison. Ils ont perdu 2-1 contre la Babetchouane. OK. Puis le senior, eux autres, ils ont perdu 3-1 contre Berbère. OK. Dans l'ensemble, au niveau senior, est-ce que ça va bien? Est-ce que dans l'ensemble cette année? Oui, dans le senior, ça va bien. Je pense qu'ils ont 2 victoires, 2 défaites. Fait que depuis le début de la saison, ça va quand même bien. OK. Puis les autres sont en division 3, c'est ça? Oui, ils sont en division 3, oui. OK, OK. Dis-moi, si on parlait maintenant des activités, la fête du soccer qui attire beaucoup de monde, ça c'est bientôt, c'est ça? Oui, la fête du soccer, c'est dans le fond, c'est jeudi prochain, le 6 juillet. OK. C'est ça, là, c'est un super doc comme années passées. Comme à Ça, dans le fond, là, ça récompense les champions. Les champions, c'est entre 4 et 8 ans. C'est eux, ça les récompense pour leur saison qui finit le 6 juillet. Le 6 juillet, OK. Eux autres, la saison, ils terminent en même temps. Ça termine plus tard, là, hein? Non, ils finissent, dans le fond, là, le 6 juillet, eux autres, pour les champions, c'est terminé. Ah, OK, OK. Donc, eux autres, c'est à tous les soirs. C'est le mardi et le jeudi soir. Parfois, il y a un groupe de 5 à 6 heures puis un groupe de 6 à 7 heures. OK. Donc, cette semaine, y a-t-il plus de matchs au programme? Oui, il y a des matchs. Il y a beaucoup de matchs cette semaine. Mercredi, dans le fond, ce soir, il y a un match de U8-2 à 6h30 au terrain de Sacré-Cœur. Demain, il y a un match de U10-3 à 7h au terrain de Sacré-Cœur, encore une fois. Okay. Après ça, lundi, le 3 juillet, il y a un match de U16 féminin à 19h à Jean Delbault. Okay. Après ça, le mercredi 5 juillet, il y a un match de U12 à 19h au Parc Lyon. Okay. Il y a aussi un match de U8-2 à 19h au terrain de Sacré-Cœur. Et un match de U16 masculin au Parc Lyon à 20h15. Bon, fait que c'est bien correct. On s'en reparle bientôt. Oui. Donc voilà, c'était la chronique de l'Association de soccer de Dolbeau-Mistassini avec Justine Girard.